Alors, vous êtes toujours à l'écoute du Grain de sable d'Attaque Québec. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, nous sommes en pleine quinzaine de l'eau ici à Québec. Alors, depuis le 10 mars jusqu'au 23 mars. Alors, il s'agit d'une initiative organisée par plusieurs organismes regroupés sur la coalition Concerto, qui vise à nous sensibiliser sur les enjeux liés à la question cruciale de l'eau. Alors, les amis de la Terre organisent la semaine prochaine une conférence avec Monsieur Jacques B. Gélina. Et la conférence est intitulée « Maître de notre eau, chez nous ou porteur d'eau ». Alors, on a le très grand plaisir d'avoir Monsieur Gélina avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue au Grain de sable. Merci. Alors, Monsieur Gélina, vous êtes sociologue, essayiste et conférencier. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, dont « La globalisation du monde » ou encore l'excellent « Dictionnaire de la mondialisation ». Vous êtes également signataire de la récente déclaration revendiquant la réappropriation de nos ressources énergétiques. C'est bien ça? C'est ça. Signé le 3 mars. Le 3 mars de ce mois-ci. Oui, alors, félicitations. Alors, le titre de votre conférence est un peu provocateur, intriguant, du moins. En tout cas, moi, je trouve qu'il était assez... il m'intrigue. Alors, qu'est-ce que vous voudriez expliquer, aux amis de la Terre en mettant en opposition ces deux positions par rapport à l'eau? Alors, maître chez nous ou porteur d'eau? Mm-hmm. Bon, alors, c'est la différence entre maître dans sa propre maison. Oui. Ou être un serviteur servile, presque pas payé. Donc, porteur d'eau, de fait, on répète ça souvent, c'est ainsi, là, est-ce qu'on est des porteurs d'eau? Alors, porteur d'eau, c'est un symbole, une métaphore, pour désigner la dépendance servile d'une collectivité envers par rapport à une autre. Mm-hmm. Donc, on dit les Québécois qui sont des porteurs d'eau, ouais. Comme on l'a été depuis longtemps. Alors, ça vient d'où, cette expression, le porteur d'eau? En fait, c'est une vieille expression, c'est un écrivain britannique, un célèbre écrivain, très peu connu au Québec, Anthony Trollope, qui était venu au Québec dans les années 1860-1861, j'avais regardé, en fait, il était observateur, comment vivaient les Canadiens français sous l'Empire britannique, puis il avait dit que les Canadiens français... C'était des porteurs d'eau et des scieurs de bois. Travaillaient pour les compagnies britanniques qui venaient couper nos forêts, là, des gros pins blancs d'un mètre de diamètre pour expédier en Angleterre. Et les Québécois, eux, c'était des hommes de chantier, là, comme il y avait d'ailleurs ici, il n'y a pas très longtemps, au Québec, là. L'hiver, les gens montaient dans les chantiers. Ils travaillaient pour les grosses compagnies qui coupent le bois, puis les profits s'en vont ailleurs. Donc, il a dit, les Canadiens français, ce sont des porteurs d'eau et des scieurs de bois. Alors, ça a quand même l'histoire, cette expression-là. C'est ça. 1861, c'est un petit peu péjoratif, pas encore. Oui, péjoratif, même. Oui. Alors, le problème, c'est que, encore aujourd'hui, on est des porteurs d'eau. Ah oui. Alors, on est un peuple, c'est ça qu'on pourrait dire encore des porteurs d'eau. Ben, c'est-à-dire, c'est quoi porteur d'eau? C'est-à-dire, comme avait dit cet écrivain britannique, c'est que il y avait des grandes richesses naturelles au Québec, les forêts, entre autres, dans ce temps-là, c'était la grosse affaire. Et pour construire la marine britannique, alors, et que les Canadiens, eux autres, ils allaient travailler là comme simples employés, avec des petits salaires misérables. Mm-hmm. Alors, aujourd'hui, c'est encore pareil. Mais pas seulement pour le bois, pour toutes nos richesses naturelles. Alors, c'est-à-dire oui. Les mines, les forêts, l'eau. Oui, oui. Le vent, là, qu'on a donné aussi à des compagnies, à des intérêts privés, là, plus souvent étrangers. Alors, aujourd'hui, c'est encore comme ça. Alors, pourquoi qu'on fait ça? Nos politiciens disent, ça va créer des emplois. Oui. Ça, c'est le mot, là, ça va créer des emplois. Nous autres, on se contente des emplois. Donc, on donne nos richesses naturelles pour un plat de lentilles. Le plat de lentilles, c'est les emplois, les jobs. Alors, ils nous donnent un salaire, puis quand la compagnie a fini, là, elle dit bye-bye. On s'en va, on ferme la boutique, comme a fait Bowater, un peu partout au Québec. Oui, oui, oui. Hein, nous autres, Bowater. C'est ça. Mm-hmm. Donc, on est des sieurs de bois. C'est-à-dire, les petits jobs et d'autres, ils apportent les gros profits à l'extérieur. Alors là, on va faire la même chose, en fait, avec les gaz de schiste. Oui. Hein? Oui, c'est très d'actualité. Avec le pétrole qu'ils vont découvrir au Québec. Ils voulaient le donner complètement. Mais là, les Québécois se sont réveillés parce que ça faisait du bruit dans nos cours. Oh. Et là, ils étaient un peu trop effrontés. Ils venaient, selon la loi des mines, ils peuvent faire ça. Mm. Ils peuvent aller n'importe où puis creuser le sous-sol, c'est-à-dire en dessous du sol arable. Oui. Ça appartient à la collectivité, c'est-à-dire c'est un bien public. Donc, géré par le gouvernement. Mais le gouvernement le donne. Au lieu de le faire profiter pour nous, le gouvernement le donne à 10 cents d'hectare là, pour les gaz de schiste. Oh, okay. Avec de ça, ils peuvent sortir des milliards de dollars. Mais le gouvernement ne le voit pas, ça, en tout cas. Ben, c'est il le voit, peu... mais historiquement, on mm-hmm. a toujours eu des gouvernants qui ont trouvé plus facile, hein, des gouvernements paresseux, sans imagination, ou par connivence, par collusion, plus facile de donner nos richesses que d'en profiter. Étrange. C'est incroyable, mais ouais, c'est quand ça même qu'ils étrange. Font. C'est très incroyable, mais c'est ça qu'ils font. Pour presque rien, on donne nos richesses aux autres. Le vérificateur du Québec, l'année passée, en 2009, dans un rapport, il a dénoncé ça. Il a dit, on a extrait pour 15 milliards de dollars de nos mines et le gouvernement n'a reçu seulement que 300 millions. Incroyable. Mm-hmm. Et le gouvernement a dépensé plus pour les compagnies des mines. Il a dépensé plus? Oui, parce qu'il a construit des chemins, il a donné des crédits d'impôt, des subventions de toutes sortes. Donc, il a donné plus qu'il en a reçu. Voilà. Alors, oui, c'est des révélations assez incroyables. C'est sûr que, en plus, l'eau, c'est un bien public. Donc, oui. Là, on parle toujours du bien public. Donc, on parlait des mines sur le gaz de schiste. Mais là comme on est dans la quinzaine de l'eau, donc l'eau, c'est un bien public, un patrimoine commun. Oui. Donc, on l'a déjà dit sur les ondes. Mais, dans le fond, on voit là que l'eau est embouteillée, c'est commercialisé en grande quantité par des compagnies privées. Oui. Des fois, c'est même de l'eau filtrée, c'est pas seulement de l'eau de source. Donc, mais c'est quoi les conditions? Je veux dire, est-ce que les compagnies paient des redevances au gouvernement et aux municipalités? Mais non. Non. Pas du tout. Okay, zéro. Jusqu'à présent, oui. Mais là, on va voir, je vais vous expliquer comment qu'on va récolter une miette à l'avenir, peut-être. Alors, on sait que, en fait, les compagnies, pour avoir de l'eau, en fait, l'eau en bouteille, c'est dans les nappes phréatiques qu'ils les prennent. Mm-hmm. Des fois, ils les prennent même du robinet, là. Oui, oui. Mais au Québec, avec donc, ils les prennent. Ouais, comme il y a beaucoup de nappes phréatiques, mm-hmm. donc, ils le prennent dans les nappes phréatiques. Alors, la compagnie a juste la peine d'acheter un terrain, mm-hmm. puis là, après, il peut pomper toute l'eau qu'il veut, des millions de dollars, s'il veut, puis là, en dessous de... Il peut acheter un petit terrain, disons, d'un hectare. Mm-hmm. Mais la nappe phréatique, elle n'a pas de limite en dessous de la terre. Là. Elle peut aller dans d'autres municipalités, d'autres terres, n'importe où. Donc, c'était rien que ça. Rien qu'à peine d'acheter un terrain, là, 10 000 $. Ils pompent tout l'eau qu'ils veulent. OK. Alors, mais il y a une tragédie encore pire, c'est qu'au Québec, il y avait beaucoup de PME mm-hmm. qui avaient commencé à produire de l'eau embouteillée. Qui venaient de nos sources. Par exemple, Labrador, Naya, des joyaux de la couronne, qu'on pourrait dire, là, Montclair, Patrimoine des eaux, Esquerre. Oui. Et toutes ces petites compagnies-là ont toutes été achetées par des multinationales. Dernièrement? Depuis 5-6 ans. Ah, depuis 5-6 ans? Oui. Ils ont toutes été achetées, une après l'autre. Le gouvernement ne dit rien. Alors, ils ont été achetés par Danone, une grosse compagnie mm-hmm. française, multinationale, de l'eau. Parmalat, une grosse multinationale italienne, Dasani, une compagnie américaine, Pepsi-Cola. Mm-hmm. Donc, maintenant, les autres, ils peuvent pomper tout l'eau qu'ils veulent. Et les Esquerres, entre autres, la compagnie Esquerres, c'est dans l'Abitibi, c'est l'eau la plus pure au monde. Mm, wow. Puis là, ils vont la vider. Ils vont la vider. Que les gens... Mais c'est pas renouvelable? Non, ben non. Non, ça prend des milliers d'années à se renouveler. Là, ça tombe goutte par goutte en dessous de la terre. Alors, c'est ça qui est notre tragédie. Donc, maintenant, c'est les multinationales qui prennent toute notre eau embouteillée. Alors, sous ces révélations tragiques,

Et puis, donc j'aurais une question, celle-ci, je vous la lance. Donc, les gouvernements, ils promettent depuis un certain temps d'imposer des redevances sur l'eau puisée dans les nappes phréatiques, donc par les compagnies. Mm-hmm. Est-ce que le gouvernement actuel n'a-t-il pas passé une loi dernièrement à cet effet? C'est-à-dire que c'est un règlement, c'est-à-dire qu'ils ont le règlement qu'ils ont incorporé dans une loi sur l'environnement, mm-hmm. au lieu que ce soit une loi sur l'eau. Alors, c'était le 1er décembre 2010. Donc, tout récemment. Oui, ils ont voté un règlement là pour les redevances sur l'eau. Parce que ça fait longtemps que les gens réclamaient ça. Parce que c'est un vrai scandale qu'on donne notre eau comme ça qu'ils envoient à l'étranger. Bon, l'argent de l'eau s'en va. Alors, savez-vous combien les redevances que le gouvernement maintenant, que les compagnies vont être obligées de payer? Attendez. 7 cents du mètre cube. 7 cents? 7 cents du mètre cube d'eau, c'est-à-dire 1000 litres. 1000 litres, ouais. Ça fait 1 cent pour 150 litres. Et puis, si vous remarquez, les bouteilles d'eau, c'est plus cher que ça, hein? Oui, oui. Hein? Il y en a 2 dollars. De 3 quarts de litre, là? 375 millilitres. Ou 1 dollar, oui. OK. C'est plus qu'un dollar, ça coûte plus cher que le pétrole de pète. Oui, oui. Alors, donc, 7 cents le mètre cube. On va être riche. Ouais. Et, c'est pas tout. C'est juste quand vous en prélevez, quand la compagnie en prélève plus que 75 mètres cubes par jour. C'est conditionnel. Ouais, ben, tu sais, quand ça dépasse 75, jusqu'à 75 mètres cubes, ça veut dire 75 millions 1000 litres, 75 fois 1000 litres. Oui. OK. On est rendu dans pas mal de litres. Là, il commence à payer. Mais avant ça, il n'y a pas besoin de payer. 75 mètres cubes d'eau, ça veut dire 8 camions citernes. Par jour. Par jour. Que c'est gratuit. Oui, que c'est gratuit, là. Donc, que le gouvernement ne perçoit rien. Et ça, c'est une moyenne. Mm-hmm. Ça veut dire qu'il y a une moyenne prise sur un mois. C'est-à-dire qu'ils peuvent, dans un mois, en prélever 30 fois 75. Donc, 250 camions souterrains gratuits avant de commencer à payer 7 cents, avant de commencer à payer 1 cent pour 150 litres. Vraiment, c'est super. Ça, c'est pour l'eau embouteillée, puis d'autres usages, là, pour les boissons, les jus. Et pour les autres usages, c'est un quart de cent pour un mètre cube. Que pour les autres usages. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, dans l'industrie, des choses comme ça, là, qu'on se sert de l'eau pour faire toutes sortes de choses, des pesticides. Donc, là, c'est un quart de cent pour 1000 litres. Donc, on ne peut pas, si vraiment le ridicule tuait, là, tout le gouvernement serait mort. Hein, d'avoir mis. Alors, on se demande comment que ça se fait que les Québécois ne protestent pas plus que ça. C'est une très bonne question. Peut-être un peu d'ignorance ou peut-être un peu de je sais pas, c'est pas divulgué vraiment dans les médias. Y a pas beaucoup de médias qui divulguent ça là, à part de CKRL. Ouais, c'est encore. Il y a un petit article qui est passé dans le Devoir. Oui, Gilles Franqueur est toujours bien bon là-dessus. Mm-hmm. Donc, mais après ça, on n'entend pas parler. Il y a personne qui se scandalise. On est habitué à être des porteurs d'eau, c'est-à-dire à se faire plumer sans rien dire. Mais on est habitué aussi, je ne sais pas ce que vous en pensez, M. Gélina, mais de se faire dire aussi que ben il n'y en a pas d'argent ici. Ben oui, c'est ça. Le gouvernement n'en a pas. Donc, le gouvernement, c'est parce qu'il ne va pas aller chercher où il y en a. Mm-hmm. Alors, il y a de l'eau, c'est-à-dire l'eau, d'ailleurs, on ne serait pas supposé d'en vendre à cette quantité-là, là, pas aux multinationales. Et, mais est-ce que l'eau est quand même un bien exportable au Québec et au Canada? Non. Non. Non, il n'y a aucun pays jusqu'à présent qui permet l'exportation de l'eau. Mm-hmm. OK? En vrac. Mais il y a toujours ici au Québec des passe-passe pour passer à côté de ça. On ne peut pas exporter l'eau en vrac, mais on peut l'exporter en bouteille. OK? Oui. Alors, des bouteilles. Dans des bouteilles. Donc, le plastique, ça sert à stabiliser l'eau, qu'on peut dire. Mm-hmm. Donc, quelle sorte de bouteille? Alors, ils peuvent aller jusqu'à 20 litres, la bouteille. Oui. Jusqu'à des contenants de 20 litres. Ça veut dire que vous pouvez charger un camion de 500 bouteilles, comme ça, de 20 litres, et vous en allez aux États-Unis. Donc, il se trouve être exporté. Mais le gouvernement a trouvé moyen de passer à travers de cette chose-là pour permettre aux compagnies de passer notre eau aux États-Unis ou au Mexique. Puis est-ce qu'il y a un danger que les accords de libre-échange néolibéraux comme l'ALENA ou l'Organisation mondiale du commerce fassent de l'eau un objet de commerce? Oui, bien sûr, parce qu'il y a des grosses pressions là-dessus. Parce que d'après les accords de libre-échange néolibéraux qui ont commencé là avec le Canada, avec les États-Unis, oui. Ensuite l'ALENA, qui est l'accord de libre-échange nord-américain, tout est marchandise dans le monde. Donc, le but de ces accords-là, c'est que toutes les choses doivent être une marchandise. La culture, même la vie, hein, le génome humain, tout ça. Donc, tout ça doit devenir des marchandises. Les services, oui. Y a une grosse pression là pour les services publics, même les services de santé deviennent... Alors, on fait des grosses pressions aussi pour que l'eau soit un objet de commerce international. Alors, les politiciens ne le font pas, même nos politiciens sont des vendus, qu'on peut dire. Alors, je pense qu'ils acceptent ça. Dans collusion avec... Donc, ils veulent pas aller trop loin pour pas que les gens... Ils veulent pas aller trop loin d'un coup parce que les gens pourraient protester. Donc, comme on fait, par exemple, pour les gaz de schiste aujourd'hui, là, donc, quand ils vont trouver... Donc, ils vont peu à peu. Par exemple, ils vont faire un petit accro. Alors, si une province, par exemple, au Canada, acceptait de vendre de l'eau en vrac à des compagnies, comme il y a déjà des grosses demandes des compagnies des États-Unis puis tout ça, là, pour acheter l'eau, par exemple, en Colombie-Britannique, ici au Labrador, la Terre-Neuve veut vendre son eau. Ah bon? Bien sûr. Alors, donc, il y a des grosses pressions, mais ils veulent pas aller trop vite pour pas que les gens se mettent à protester. Donc, ils vont peu à peu jusqu'à temps d'atteindre leur but, comme pour le système de santé actuellement. Oui. Donc, ils disent non, on ne privatisera pas, mais ils le font en douce. Tranquillement. Ouais. Hypocritement. Tranquillement. Alors, mais avec tout ça, comment on pourrait redevenir maître de nos eaux chez nous? Bien, on pourrait dire la même chose que pour toutes nos richesses naturelles. Il faudrait que les gens se lèvent, prennent conscience de ce phénomène-là. Comme là, les gens ont pris conscience des gaz de schiste qu'on était pour le donner. Justement, là, ils en ont pris conscience parce que c'était près de chez nous. Oui. Alors que les mines, par exemple, c'est loin, c'est dans le nord du Québec. L'eau aussi. Donc, l'eau, ça paraît pas beaucoup, là. C'est pas des grosses installations comme le gaz de schiste. Rien qu'à peine installer une pompe, là, puis... Ça paraît pas. Ça paraît presque pas. Une petite usine, là, d'embouteillage, puis ça s'en va. Ou ils le mettent dans des camions-citernes, puis ils s'en vont à l'usine d'embouteillage un peu plus loin. Alors, donc, faudrait des pressions populaires. Vous, pour le gaz de schiste, ils ont commencé à reculer un petit peu. Oui, tranquillement. Ils vont finir par le faire quand même, je crois, si on ne proteste pas plus que ça. Mais les gens protestaient plus, moi j'ai envie de crier « Indignez-vous! » Oui. « Indignez-vous! » Alors, je voulais dire qu'il y a eu une exception au Québec. Quand René Lévesque a dit l'hydroélectricité, on va la nationaliser. C'était une volonté politique. Alors, donc, je disais tantôt que toutes nos richesses naturelles, on les vend. Il y a une exception pour l'hydroélectricité. Quand René Lévesque a dit l'hydroélectricité, c'est à nous, on va le nationaliser. Et le premier ministre, qui était un homme d'État dans ce temps-là, Jean Lesage, a endossé cette idée-là. Ils ont fait une élection référendaire. Et ça a passé haut la main, parce que les citoyens étaient pour, là. Ils ont vu que c'était René Lévesque qui avait parcouru le Québec avec son tableau noir, en expliquant aux gens que ça, cette richesse-là, c'était à nous. Donc, il faudrait faire la même chose pour toutes nos richesses naturelles, et évidemment pour l'eau. Tout à fait. Alors, merci beaucoup, M. Gélinas. Merci infiniment de nous rappeler ce bel exemple qui fait partie de notre passé aussi. Bien sûr. Alors, on n'est peut-être pas seulement que des porteurs d'eau. Ben, au moins, il y a eu une exception. Ça veut dire qu'il y a eu un antécédent historique. Alors, peut-être que ça peut se continuer. Non, ben, on le souhaite. On est encore plus coupable, je dirais, de maintenant de laisser aller toutes nos autres richesses. Alors, en tout cas, pour ceux qui veulent en savoir plus, on vous invite donc. En tout cas, moi, je vais être là. Donc, allez écouter M. Gélinas en conférence la semaine prochaine. Ce sera mercredi le 23 mars à 19h15 au Centre Frédéric Bac, au 870 Avenue de Salaberry, salle 322. Pour plus de précisions, alors on passe en publicité. On vous revient tout de suite. Non, non. C'est le 4e anniversaire des productions Monum. Et pour ça, samedi 19 mars, dès 21h, venez voir, entendre, déguster et danser avec Bugeaud. Tu travailles, fais glisser mes rails. Un virage qui frise le dérapage. Barton Fink. DJ Soviet Funk. Le tout pour 15$ à la porte. Ouverture des portes 21h, showtime 22h. On fête l'équinoxe du printemps, la pleine lune et le 4e anniversaire des productions Menoum. En collaboration avec CKRL, Le Cercle et vous. Diaporama d'affiches de Mathieu Place. Dévoilement de nouveautés sur le site web des productions Menoum. DJ Soviet Funk jusqu'à la fermeture. Du bonheur à l'état de jusqu'à plus. Samedi 19 mars, ouverture des portes 21h, showtime 22h, $15 à la porte. Non, non. Chaque vendredi, les soirées du bleu ou noir de CKRL sont présentées par le Bal du Lézard. Un lieu de rencontre culturelle, branché art et musique. Un environnement idéal pour refaire le monde en bonne compagnie. Le Bal du Lézard propose aussi des amuse-gueules tels que pizza et hot-dog européens, ainsi que les meilleurs produits de microbrasserie et une imposante gamme de vodka. Entrez dans la danse du bal avec comme trame sonore les vendredis du bleu au noir à CKRL. Le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue, 418-529-3829. Première soirée de ciné live interactif à Québec. Une soirée unique de projection auquel vous pouvez participer avec votre cellulaire. Sur scène, Fred Lebrasseur, René Lucier, Jean Glouin et André Bilodeau. Assemblement en direct des séquences de cinéma sur des musiques improvisées. Avec votre cellulaire, vous participez à la projection en envoyant sur l'écran des images tirées de vos films préférés. Un concept nouveau de cinéma en direct. Le 24 mars à 20h, au Musée de la Civilisation. Détail, rcq2011.com. CKRL passe en mode financement. Investis ton studio. Vous voulez devenir partenaire majeur de votre radio préférée de manière originale? Investis ton studio est la façon artistique de soutenir CKRL pour $891. Cela vous donne droit à une œuvre originale et artistique qui sera exposée en permanence dans notre studio principal dans le but de créer une murale mixant des paysages urbains de Limoilou et de Québec. Envoyez votre don avant le 1er avril 17h et courez la chance de gagner un certificat de $300 du restaurant Le Poisson d'Avril. Le tirage aura lieu le 1er avril à 17h. CKRL 89.1. Les vendredis à CKRL, la soirée se décline du bleu au noir. 18h30, Jean-Baptiste Duvigneau et Goulvendi vous proposent les meilleurs rythmes groove avec 100% dynamite. 20h, l'incontournable soirée blues de Michel Dubois, rue d'Auteuil. 22h, on tombe dans le noir. L'univers métal de Démentiellement Vôtre avec Olivier Bercelli. Minuit, la filière métal se poursuit avec Fantasmagorie, animé par Éric Lizotte. Le vendredi soir dès 18h30... Dimanche, 22h. Laissez-vous entraîner dans l'univers burlesque et absurde de Dr Franco, un vaccin contre la morosité. CKRL 89.1. Por el suelo hay una compadrita que ya nadie se para a mirar. Por el suelo hay una mamacita que se muere de no respetar. Pachamama, te veo tan triste. Pachamama, me pongo a llorar. Por el suelo, báilame, llorar. Por el suelo. que no te vaya a mojar. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar. Por el suelo camina la raza, mamacita, te invito a bailar. Por el suelo baila del dólar. I think that's the one that make up for me. Por el suelo yo no la sé creer. Esperando la última ola, Pachamama, me muero de pena. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar. De retour au grain de sable ici à CKRL 89.1 pour la deuxième partie d'émission. Alors, c'est maintenant Madame Geneviève Marié qui nous rejoint en studio. Alors, bonsoir Madame Marié. Bonsoir. Bienvenue. Alors, au grain de sable, Madame Marié, vous êtes donc membre de l'Association québécoise pour un contrat mondial de l'eau, donc l'AQCME, et porte-parole de la quinzaine de l'eau qui a lieu justement là, en ce moment à Québec. Alors, c'est bien ça? Oui. Alors, on va peut-être commencer avec la quinzaine, justement. Est-ce que, comment ça va? Alors, La quinzaine, ça se déroule bien. Il y a déjà eu quelques conférences très intéressantes, projections de films, des dégustations d'eau de la ville. Oui. Il y a eu une soirée d'inauguration où les différentes parties de la table de concertation ont pu se rencontrer, partager leurs actions. Il y avait aussi des comptards, des musiciens, des témoignages. Alors, est-ce que vous aimeriez que je vous rappelle un peu qui fait partie de cette table de concertation? Tout à fait. Alors, il y a Développement Épais, qui est un organisme qui a aussi un travail international. La Corporation d'aménagement et de gestion environnementale, la CAGEC, eux autres sont à Beauport, c'est un organisme parapublic. Ensuite, les Amis de la Terre, qui sont bien connus ici. L'association dont je fais partie, pour un contrat mondial de l'eau. Univers Laval, qui est le groupe vert de l'université, et aussi une section de développement épais qui est à l'université, constituée d'étudiants. Il y a l'Institut Hydro-Québec de l'Université Laval, qui est un institut qui fait des recherches en environnement, développement, société. Et aussi, on a fraternisé, disons, sans qu'elle soit membre, vraiment membre de la concertation, avec le groupe des citoyens de Shannon. Oui, oui. Ces citoyens courageux qui font un combat de David contre Goliath, là, depuis 10 ans, ils méritent tout notre respect et notre support. Oui, avec ce qui est arrivé. Oui, avec leur la contamination de leur eau, là. Oui, c'est ça. Tout à fait. Oui. Et puis, donc, ça, c'est, vous aviez décrit la table de concertation, dans le fond, qui s'appelle Concerto. Oui, concert apostrophe. Oh, oui, c'est ça. Oui, très belle image. Oui. Bien pensé. Alors, bien écoutez, donc vous êtes également, bon c'est ça, donc membre de l'AQCME, donc c'est l'Association québécoise pour un contrat mondial de l'eau. Et puis sur quoi vous vouliez nous parler un petit peu de sur quoi se fonde le travail de l'association? Oui. Alors, ça sent, moi la première fois que j'ai entendu ça, pour un contrat mondial de l'eau, je me suis dit, oh mon Dieu que c'est gros. Ouais. C'est gros, mais on est peut-être rendu là. Mm-hmm. Penser au niveau de la planète. Oui, oui, oui. Donc, c'est un groupe de réflexion qui est issu des réflexions du groupe de Lisbonne, avec, par exemple, certains connaissent le livre « Limite à la compétitivité ». D'accord. Alors, mais qui a amené au désir d'établir des contrats mondiaux. Mm-hmm. Donc, un de ces contrats-là, c'est l'eau. Okay. Donc, alors, ça se fonde. Oui, allez-y. Donc, c'est vraiment, juste pour que je comprenne bien, pour nos auditeurs aussi, donc c'est vraiment à partir de cette association-là qu'il y a un petit peu certains contrats. C'est-à-dire... Avec des gouvernements? Non, il n'y a pas de contrat. Okay. Non, Alors, je vous laisse. C'est ça. En fait, c'est un souhait. Hein? C'est un souhait, c'est une réflexion. C'est des groupes, il y en a dans plusieurs pays, des ACME, là. Ici, il y en a un, ACME Québec, là, mais Association pour un contrat mondial de l'eau. Oui, ACME. Et où on s'intéresse à l'eau et on pose des principes de base qui sont comme des affirmations. Parce que, comme on l'a vu tout à l'heure avec M. Gélina, il y a tellement de choses qui passent en douce, parce que toute l'importance est donnée sur l'économie, les jobs. Et c'est important de refaire des affirmations aussi simples que celle que l'eau est un droit humain. Ben, ça a l'air bien simple, là. Ici, on penserait-tu, y a-tu quelqu'un qui a pas le droit à l'eau? Mais il y a bien des endroits sur la Terre où on n'a pas le droit à l'eau. Et par nos comportements, on fait qu'il y a des gens qui n'ont pas le droit à l'eau. Puis ensuite, ben, ce qui est le corollaire du droit à l'eau, c'est que ben, l'eau est un bien commun de l'humanité, mais pas juste de l'humanité, de toutes les espèces vivantes sur la Terre. L'eau appartient à la Terre. Oui, oui. Elle appartient pas aux hommes. Elle appartient aussi aux hommes, mais aussi aux autres espèces vivantes. Alors, qu'est-ce qu'on fait à partir de ces deux choses-là? Comment est-ce qu'on finance ça? Parce que l'eau, bien sûr, il faut l'acheminer, là. Et puis, on va plus la puiser. Il faut l'acheminer, il faut l'amener dans des tuyaux, il faut la traiter, il faut l'assainir une fois qu'elle a été utilisée. Donc, comment on fait ça? Ben, ici, à Québec, c'est fait par nos taxes, donc c'est un financement public. C'est donc, à cause du système de taxation, ça reste équitable, accessible à tous et abordable. C'est une belle chance. Oui, c'est une belle chance. Et puis, c'est pas partout pareil, parce que la preuve a été faite un peu partout dans le monde que quand les compagnies privées investissent dans les systèmes d'eau, elles veulent avant tout satisfaire l'appétit de leurs actionnaires. Mm-hmm. De plus, les emprunts qu'elles contractent, ça leur coûte plus cher que si c'était des gouvernements qui empruntaient. Ah oui? Alors après ça, bien sûr, la facture est refilée aux usagers. Alors, il y a des villes comme Paris, Bruxelles, Grenoble, qui avaient privatisé leur eau et qui ont fait marche arrière. Ah oui? Qui ont fait marche arrière. Qui sont, oui, oui. Dernièrement? Oui, qui sont revenus. La première, ça a été Grenoble, je pense ensuite Paris et Bruxelles, qui sont revenus à l'eau publique parce que il y avait moins de qualité, moins d'accessibilité, ça coûtait plus cher. Donc, cette gestion de l'eau-là, donc il y a beaucoup de PPP aussi, les partenariats publics. Oui, c'est privés. Ça. Alors, là, je parlais du financement. Donc, la gestion, quand c'est public, la gestion est démocratique dans le sens qu'on peut demander des comptes à nos élus. C'est nos élus qui sont responsables de ce système-là, puis comme c'est nos élus, on peut leur demander des comptes. quand c'est des PPP ou c'est privatisé totalement, ben là, des fois, c'est des contrats de 25 ans. Alors, on perd, là. On peut pas demander de compte, là. C'est donné, là. C'est donné, la gestion est donnée. On n'a plus le droit de regard. Alors, il y a une perte d'information. On ne sait pas ce qui se passe. Il y a une perte d'expertise. Parce que là, actuellement, là, à la ville, on a des gens, d'ailleurs, qui sont très bien formés. J'en ai rencontré quelques-uns, là. Des gens qui sont pour s'assurer de la qualité de l'eau, qui sont allés se former, qui ont fait des doctorats. C'est une expertise qu'on a, ça. Alors, non seulement il y a une perte d'expertise, mais les citoyens, ben, ils perdent leur recours à leurs représentants politiques concernant les enjeux de l'eau. C'est triste, ça. C'est vraiment triste. Alors, c'est ça les enjeux. C'est ça qui risque de nous arriver si on n'est pas vigilant. Alors, donc, on va pas encore une fois, encore digérer le tout. On va passer par une petite pause musicale, la dernière. Alors, je t'invite à rester avec nous parce qu'on continue de discuter de cet impact-là, de la privatisation de l'eau, entre autres. Donc, on continue toujours après en compagnie de Geneviève Marie. Toutes les 8 secondes, un enfant crève au tiers-monde. Parce qu'il n'y a pas accès à l'eau et on dit que dans son pays chaud, c'est le soleil qui assèche les ruisseaux. Quand on sait qu'une toute petite fraction de tous ces budgets militaires à la con pourrait abreuver les humains, leur assurer un lendemain. Mais l'Occident s'en lave encore les mains alors que toutes les 8 secondes se génèrent des profits immondes. Chez les grandes multinationales qui croient que le droit fondamental d'accès à l'eau doit devenir commercial. Aujourd'hui la source est cotée en bourse. Et on se calisse bien de la ressource. On nous dit que c'est inépuisable, pas besoin de gestion viable. Un signe de pièce au bout de l'eau potable. Pendant que les rivières coulent à flot, certains font de l'argent comme de l'eau. Sans se soucier des écosystèmes, c'est bien plate à dire, mais ça a l'air que c'est ça le du problème. Un nouveau cancer qui nous ronge, ou qui devient marchandise à culture qu'on privatise et gouvernement complice qui improvise. À Montréal, dans les souterrains, ils pompent l'eau qui nous appartient. Paye des pinottes pour le produit et comme ils sont le monopole, font plus de profit que les compagnies de pétrole. Toutes les 8 secondes, je ressens un peu plus de honte face à cette surexploitation et à cette triste destruction de la nature pour la consommation. Et on nous met devant les faits accomplis. Ils jouent la terre au Monopoly. Quand ils se sont appropriés les nuages, les oiseaux, les glaciers, les pions auront assez. Pendant que les rivières coulent à flot, certains font de l'argent comme de l'eau. Sans se soucier des écosystèmes, c'est même plate à dire, mais ça a l'air que c'est ça le du problème. Il ne restera que 8 secondes avant la fin de ce monde. On pensera aux gens humains qui, à cause de la peur du gain, auront amené la planète au bord du ravin. Quand il ne restera que 8 secondes. We'll be right back. Alors, on est toujours en compagnie de Madame Geneviève Marié, porte-parole de la Quinzaine de l'eau et membre de l'Association québécoise pour un contrat mondial de l'eau. Alors, on discutait, là, c'est ça, donc un peu là, des fondations même du travail de l'association. Alors, je vous laisserai poursuivre un peu ce que vous vouliez résumer un peu le propos. Oui, alors donc, c'est important que nos gouvernements, autant au municipal qu'au provincial qu'au fédéral, et même dans le futur des regroupements d'États, reconnaissent officiellement l'eau comme un bien commun et l'accès à l'eau potable comme un droit humain fondamental, comme le droit à la vie. Oui, de plus, on pense que la population va être mieux servie par un financement public puis une gestion démocratique. Puis pourquoi les Québécois devraient se mobiliser pour, en tout cas les citoyens en général, mais pourquoi devraient se mobiliser pour protéger cette ressource vitale? Mais parce que si on le fait pas, là, les politiciens, eux, il y en a plusieurs qui ont abdiqué leurs responsabilités au nom de la libéralisation. Comme si le marché allait tout régler. Mais il faut pas se décourager. Parce qu'il arrive régulièrement que les gouvernements changent leur politique parce qu'une partie de la population se mobilise et l'exige. Alors, on a comme exemple ici le Suroît, le Morford. Là, il y avait eu une grosse mobilisation étudiante contre le programme de coupe dans les, contre les coupes dans les programmes de bourse. Là, je pense qu'il va falloir remettre ça, là. Mais les étudiants sont prêts à se relever. Alors, en Bolivie, les mobilisations populaires ont forcé le gouvernement à annuler complètement les contrats de privatisation au profit des multinationales. Alors, c'est quand même possible. Puis, comme je le disais tout à l'heure, en France, il y a plusieurs villes qui ont, en France, en Belgique, qui ont réussi à se réapproprier la gestion de leur eau. Donc, quand on s'en occupe, il se passe quelque chose. Comme on dit, comme on disait dans la conférence tout à l'heure avec Monsieur Gélinas, donc il y a des beaux exemples de maîtres chez nous. Oui. On peut dire. Et alors, mais pourquoi s'inquiéter de ça ici? Mais là, particulièrement, c'est parce qu'il y a des choses qui se jouent en douce, dont on n'entend pas toujours parler dans les nouvelles. Des fois, on en entend parler dans des émissions particulières, plus des analyses, mais à chaque jour, on ne sait pas qu'il y a des gens qui sont en train de négocier secrètement une union, un marché avec l'Union européenne. Et un des enjeux importants que l'Union européenne veut, c'est avoir accès au marché de la gestion de nos services publics, de notre eau, de la SAC, par exemple, de la SAAQ. Alors, tous nos services publics, nous autres, on pense que c'est normal, ça va toujours rester public, oui, ça. Oui. Et c'est pas sûr. Non. Parce que si on n'est pas... Oh non, c'est pas sûr. C'est pas sûr parce que ces négociations-là, elles sont pas soumises à des votes. Ça se fait par... c'est l'industrie qui parle avec l'industrie, les gens d'affaires qui parlent avec les grands d'affaires, les gens d'affaires. Et une fois que c'est passé un contrat comme ça, là, c'est difficile de revenir en arrière. C'est comme l'ALENA, là. C'est difficile de rouvrir l'ALENA. Je ne dis pas qu'il ne faut pas continuer de souhaiter d'ouvrir certains chapitres, là, mais quand il y a un litige, comme par exemple il y a eu avec Terre-Neuve, Abitibi-Bluewater, le gouvernement, il a tout simplement, au lieu de défendre nos droits, le gouvernement fédéral, il est d'aller donner une compensation à Abitibi-Bluewater en regard de l'ALENA, parce que Abitibi-Bluewater, qui est une compagnie canadienne, est allée s'enregistrer au Delaware pour avoir droit à faire des poursuites au nom de l'ALENA. Des poursuites au gouvernement? Oui. Au nom de l'ALENA. L'ALENA, oui. Ah, oui. Oui. C'est quand même... c'est des choses, des fois, qu'on n'entend vraiment pas parler. Non, on n'entend pas parler, puis il faut en parler, puis c'est pour ça que je suis ici. Oui, oui, on est très heureux de vous avoir. Puis je suis contente d'avoir été invitée aussi. Donc, je veux pas faire peur au monde, mais je veux dire, occupons-nous de nos affaires. Prenons le temps. Oui, il y a des spectacles. Moi-même, je suis dans le domaine des arts, puis il y a le printemps des poètes, puis il y a toutes sortes de choses là. Mais il y a des choses aussi très importantes au niveau politique qui nous concernent tous. Donc, déjà, je vois déjà l'heure passer. Et puis, est-ce que vous auriez d'autres des exemples que vous vouliez amener, donc, de s'occuper de nos affaires ou au niveau politique, au niveau... Ben, il y a beaucoup s'informer. Mm-hmm. S'informer. Il y a des choses qui ont donné fruit pendant des années à partir de la politique nationale de l'eau. Il y a des gens qui ont fait des recommandations, qui ont présenté des mémoires. Alors, quand il y a eu l'an dernier la nouvelle loi sur l'eau qui est sortie, ben cette nouvelle loi-là a été beaucoup bonifiée par les mémoires des citoyens qui avaient pris le temps de s'en occuper, mm-hmm. puis de dire leur avis. De sorte que maintenant, au Québec, en théorie, toutefois, les règlements sont pas toujours prêts, mais l'eau est reconnue comme un patrimoine de la nation. En espérant que ça reste un bien commun. Oui. Mm-hmm. Donc, en conclusion. Alors, merci. Merci beaucoup pour toutes ces informations, Madame Marié. Alors, on va avoir la possibilité d'entendre Monsieur Gélina à la prochaine conférence. Oui, ah ben, je pourrais dire, je vous invite tous à aller sur le site des Amis de la Terre, atquebec.org/quinzaine. Et vous allez avoir la programmation des conférences, des films et de tout ce qui reste à suivre pour la fin de la quinzaine. C'est ça se poursuit jusqu'au 23 mars. Donc, ça se termine donc avec Monsieur Gélina avec sa conférence « Maître de notre eau chez nous ou porteur d'eau ». Alors, merci beaucoup de votre passage à l'émission. C'est déjà tout pour nous aujourd'hui. Alors, grand merci à Cédric Leterme qui est à la mise en onde et ce soir, ainsi qu'à Madame Marié et Monsieur Gélina pour vos chroniques. Et merci à vous, chers auditeurs, d'être avec nous à tous les vendredis soirs. On vous rappelle que les enregistrements de l'émission sont disponibles via le site de CKRL ou celui d'Attaque Québec. Et si vous avez besoin de d'autres informations, alors pour être membre aussi de d'Attaque Québec, donc c'est possible de le faire sur le site. Alors, quant à nous, on se retrouve vendredi prochain, 17h30, pour une nouvelle édition du Grain de Sable. Alors, d'ici là, allez faire un tour à la quinzaine de l'eau, qui se poursuit notamment avec la conférence de Monsieur Jacques Gélina ce mercredi, donc 23 mars, au Centre Frédéric Bach à 19h15. Alors, mon nom est Valérie Blouin, je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine et semaine. Je vous laisse maintenant en compagnie de Monsieur et Messieurs Jean-Baptiste Duvigneault et Goulvendi. Avec 100% dynamite, tout de suite après ses publicités, toujours sur les ondes de CKRL. Tu me chercheras dans le désert, dans les peaux d'une autre femme. Tu me trouveras dans le mini-bar, la tête coincée.